sur nos systèmes. L'envie que tout le monde s'aime, le soleil donne. Ce vieux désir super, on serait tous un peu frères, le soleil donne. Le soleil donne de l'or intelligent, le soleil donne la même couleur aux gens, la même couleur aux gens, gentiment. Intelligent, le soleil dort.